إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، شيخ فرغنا الله عز وجل. Nous avons terminé donc une série de cours déjà, et on avait fait comme premier cours les trois buts quotidiens du musulman de Cheikh Abdelrazzaq Al-Abbad Al-Badr Hafidahullah Ta'ala. Et on s'est ensuite attaché à étudier un épître de Cheikh Mohamed Al-Imam parmi les savants du Yémen, et qui avait pour titre « Oh, toi le musulman, tes ennemis sont au nombre de quatre ». Et on avait dit c'était quoi? C'était ton âme, le shaitan, la passion et le dunya. On a fini cela en trois cours. Et maintenant, on s'attache à commencer une nouvelle série de cours qui a pour titre « Règles dans la droiture ». Ou si vous voulez, 10 règles dans la droiture, c'est-à-dire dans l'istiqama. Et c'est également de Cheikh Abdelrazzaq Al-Abbad Al-Badr Hafidahullah Ta'ala. Et pour ceux qui n'étaient pas là avant, c'est un cheikh qui enseigne à la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine, et qui enseigne à l'université de Médine. Et c'est un savant qui est un fils de savant. Son père est cheikh Abdel Mohsin Al-Abbad, hafidallahu al-jami'. Et il commence directement cette épître en disant « Inna mawdu'a dir risala an al-istiqama huwa mawdu'a azimun aw azimul ahamiyya jalilul qadr wa haqiqun bi kulli wahidin minna an yu'na bih wa an yu'tiyahu min ihtimamihi wa inayatih. قال الله سبحانه إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. وقال الله جل وعلا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. Cheikh Abdelrazzaq Al-Abbad Al-Badr commence son épître que j'ai dit qui a pour titre 10 règles dans la droiture en disant: le sujet de cet épître est sur l'istiqama, et c'est un sujet d'une grande importance et d'un rang honorable, et qui mérite que chacun d'entre nous s'en préoccupe et lui donne de l'importance et de la considération. C'est d'ailleurs pour ça que notre choix s'est porté sur cet épître. La traduction du sens de la parole d'Allah Azza wa Jal dit: ceux qui disent notre Seigneur est Allah. Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Vous voyez le mot ici, istiqama, hein? Istaqamu. C'est-à-dire ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui ensuite se tiennent sur le droit chemin. Ils ne doivent avoir aucune crainte et ne seront point affligés. Ceux-là sont les gens du paradis, où ils demeureront éternellement en récompense de ce qu'ils faisaient. Sourate Al-Ahqaf, versets 13 et 14. Et la traduction du sens de la parole d'Allah Azza wa Jal dit, c'est un autre verset qui commence de la même manière: ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur, ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Nous sommes vos protecteurs dans la vie présente et dans l'au-delà, et vous y aurez ce que vos âmes désireront et ce que vous réclamerez, un lieu d'accueil de la part d'un très grand pardonneur, d'un très miséricordieux. Et c'est la traduction du sens des versets 30 à 32 de sourate quoi? Sourate Fussilat. Et Cheikh, il rapporte un point important après avoir cité ces preuves du Coran en disant: فَلِسْتِقَامَةُ يَتَرَتَّبُ عَلِيهَا سَعَادَةُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ وفلاح العبد وصلاح أمره كله فحقيق بالناصح لنفسه الراغب في سعادتها أن يعنى بالاستقامة عظيم العناية علما وعملا وثباتا على ذلك إلى الممات. مستمدا العون من الله تبارك وتعالى. الشيخ يلدي, c'est toujours en guise d'introduction, il dit, on va faire comme on a fait toujours dans cette conférence, on va faire travailler un peu la matière, donc essayer de, hein, de rester dans le fil, inshallah, on est toujours dans l'introduction. Il dit, il résulte d'al istiqama, que nous on a traduit par quoi ? Le fait d'être sur la droiture, hein, la droiture, le bonheur de ce bas monde et de l'au-delà. Le succès du serviteur et le bon état de toute son affaire. Et c'est ce que chacun d'entre nous, hein, c'est ce à quoi chacun d'entre nous aspire. Vous n'aspirez pas à être heureux, hein, dans cette vie et dans l'au-delà ? Bien sûr. D'où l'importance de ce genre de cours. Il convient donc que celui qui veut son propre bien, le shir, il a utilisé le mot « an-nasihu li-nafsi », c'est-à-dire littéralement celui qui se porte conseil à lui-même, qui se fait conseil à lui-même. On a vu c'est quoi le mot « nasiha », vous vous souvenez, dans la langue arabe, hein, pour les frères qui étaient là au cours précédent. Il convient donc que celui qui veut son propre bien, qui désire son propre bonheur, qu'il se préoccupe grandement de l'istiqama, de la droiture, en science, que tu saches, et en action, c'est-à-dire que tu agisses, tu mets en application, et en restant ferme là-dessus, jusqu'à la mort, demandant l'aide à Allah subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut, comme qu'on a vu dans les cours précédents aussi, tu ne peux rien sans l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis le shir, il dit, « وَكَثِيرًا مَا تَرِدُ الْأَسْئِلَةُ مِنَ النَّاسِ عَلَى أَهْلِ الْعِلْمِ وَطُلَّابِهِ وَالدُّعَاتِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ وَالْمُصْلِحِينَ عَنِ الْإِسْتِقَامَةِ وَعَنْ حَقِيقَتِهَا وعن الأمور المعينة على الثبات على صراط الله المستقيم إلى غير ذلك من السؤالات التي تريد في هذا الباب. وقد رأيت أنه من المفيد لنفسي ولإخواني جمع بعض القواعد المهمة الجامعة في هذا الباب لتكون لنا ضياء ونبراسا بعد مطالعة لكلام أهل العلم وأقاويلهم رحمهم الله تعالى عن الاستقامة وعما يتعلق بها. وسأذكر في هذه الرسالة 10 قواعد عظيمة في باب الاستقامة, وهي قواعد مهمة جدير بكل واحد منا أن يتنبه لها. Cheikh, il dit donc, les gens de science et les étudiants en sciences islamiques et ceux qui appellent Allah Azza wa Jal et les réformateurs sont énormément questionnés au sujet de l'istiqama et sur sa réalité et sur les choses qui aident à rester ferme sur le droit chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que d'autres questions qui sont posées à ce sujet. Le Cheikh, il dit, et c'est un choix judicieux de sa part. J'ai donc pensé qu'il serait bénéfique pour moi-même. Et moi, je dis la même chose que lui. J'ai donc pensé qu'il serait bénéfique pour moi-même, ainsi que pour mes frères, de regrouper quelques règles importantes, lui les a regroupées, moi je les cite, et génériques à ce sujet, afin qu'elles soient une lumière pour nous, et une lanterne après avoir étudié les paroles de gens de science, qu'Allah leur fasse miséricorde au sujet de l'istiqama et au sujet de ce qui y est lié. Et Cheikh Ali, je vais citer, et on va essayer nous, après cette introduction, de les citer une par une. On a deux cours, Inch'Allah, sur ce sujet-là. Il y en a un maintenant, tout de suite. Il va nous prendre plus ou moins 1h15, 1h20, Inch'Allah. Après le Maghrib, on a dit qu'il y a un rappel spécial, vous vous souvenez, hein? On a quoi? C'est point à méditer tiré de la sourate le fracas. Ça, c'est un rappel qui est fort, Inch'Allah, de Cheikh Abdullah Dimari du Yémen, qui est sur Yom Al-Qiyama, il est tombé, etc. Hein, pour nous réveiller un peu, hein, un bon rappel. Inch'Allah. Et donc, demain, le dernier dars de la conférence, c'est le fait de terminer celui-ci, en fait, cet épître-là. Donc, on le fera en deux cours, Inch'Allah. Donc, l'idéal, peut-être que, je ne sais pas si vous êtes d'accord, c'est qu'on fasse 5 règles aujourd'hui, maintenant. Et on laisse 5 règles, peut-être, pour demain, où on verra plus ou moins en fonction du temps si on doit rajouter des choses ou pas. Et donc, Cheikh, il dit, je vais citer dans cet épître 10 règles importantes au sujet d'Al-Istiqama, des règles qui sont importantes et qui méritent que chacun d'entre nous y prête attention. Et c'est à Allah seul que je demande de l'aide. Cheikh, il dit, wa min Allahi wahdahu astamidu al-auna wa astamnihu at-tawfiqa. Et c'est à Allah seul que je demande de l'aide et à lui seul que je demande qu'il me le facilite. On commence directement et comme vous savez, hein, comme on a fait depuis le début de cette conférence, je crois que vous êtes un peu habitué à mon style maintenant. C'est qu'Inch'Allah, je vais vous laisser travailler un petit peu la matière aussi. Chaque fois, je vais vous poser des questions, hein, sans pointer du doigt, évidemment. Hein. Il ne faudrait pas que les gens ne reviennent pas au dars suivant. On a dit, Al-Qa'idatul Oula, la première règle, retenez-la, Inch'Allah. Et je pourrais déjà vous poser la question, qu'est-ce qu'il a dit en guise d'introduction? Ça me permet de boire un peu aussi. Ça indique quoi ça? Ça indique quoi? C'est une indication. Pourquoi le cheikh il a dit ça? Hein? C'est un sujet? Quoi? Important. Naam, vas-y, quoi d'autre? C'est bien, tu es déjà à la fin de l'introduction, mais au début, il a commencé d'abord par quoi? C'est la meilleure chose par laquelle il pouvait commencer de toute façon, c'est quoi? Non, Hassan, le Coran, il a cité des versets du Coran. Il en a cité combien? Vous êtes sûr? Hein? Enfin, il a cité deux séries de versets. Non. Et donc, il a cité de quelle sourate? Al-Ahqaf et Fussilat. Ils commencent tous les deux par quel hein? C'est le même début ou pas? Hein, pourquoi tu rigoles? Hein? Hein? Inna? Inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu ahsan, c'est juste. Ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah et puis se sont mis sur le chemin de droiture jusqu'à la fin des versets. Hein? Donc l'istiqama c'est un sujet important. Non, si tu dis ça à quelqu'un, il va dire pourquoi c'est important? Qu'est-ce que tu lui dis? Pourquoi c'est important? Pourquoi à la fin du compte, pourquoi je dois apprendre ça? Pourquoi c'est important? Ouais, ça c'est un mot-clé ici dans l'introduction. C'est que celui qui cherche à se faire le conseil à lui-même, hein, qui veut le bien pour lui-même. On a parlé de quel bien ici? Les deux biens. Le bien de cette dunya et de l'akhira. Il convient qu'il s'attache à étudier. Hein, il y a une série de mots que j'aimerais que vous reteniez. À étudier. Il a utilisé le mot science et à mettre en application et à. Ça, c'est après, ça, c'est à la fin. Et à rester ferme. Il a utilisé, il a dit quoi? Al-thabat, il a dit ilman wa amalan wa thabatan ala dalika ila al-mamat. C'est juste ou pas? Il a dit ça ou il n'a pas dit ça? Hein? Vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Ah, okay. Tu es le seul à être d'accord, toi, ici. Hein? Tu es d'accord sur tout, là? Hein? Hein? Tu n'es pas d'accord avec moi? Hein? Donc on a dit quoi? En ilm, en action, en thabat, en restant ferme là-dessus jusqu'à la mort. Ça c'est important de comprendre. Et ça on va le voir, inshallah, que quoi que quelques niveaux que tu atteins dans l'istiqama ne soient pas un but de ta personne. Ne pense pas que tu sois khalat, tu sois garanti pour aller à l'aljana. Ne pense pas ça. Et tu demandes des thabat. Et là, le même, tu demandes qu'Allah Azzel accepte ça de toi. Tu demandes qu'il t'aide. Et c'est ça que le frère a indiqué tout à l'heure quand il a dit qu'à la fin, et c'est le cheikh ce qu'il a dit, nous demandons à l'aide d'Allah Azzawajal hein, pour qu'il nous facilite ces 10 règles. À les connaître évidemment, à les mettre en application et rester ferme là-dessus jusqu'à ce qu'on le rencontre. Subhanahu wa ta'ala. La première règle, Al-Qa'idatul Oula, Al-Istiqamatu, Minnatun, Ilahiyatun, Wahibatun, Rabbaniyatun. Le titre de la première règle, c'est quoi? Al-Istiqam, à la droiture, est un bienfait divin? Et un don du Seigneur. Déjà, ça doit vous faire réfléchir, ça va amener quelque chose d'autre après ça, inshallah. Le cheikh, il dit, فَفِي آيَاتٍ كَثِيرَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يُضِيفُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى نَفْسِهِ الْهِدَايَةَ إِلَى صِرَاطِهِ الْمُسْتَقِيمِ وَأَنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ بِيَدِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَبِيَدِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قُلُوبَ الْعِبَادِ فَمَنْ شَاءَ أَقَامَهَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى الصِّرَاطِ وَمَنْ شَاءَ أَزَاغَهَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما سورة النساء. Première règle, on a dit quoi? Que c'est un bienfait divin et un don du Seigneur. Dans beaucoup de versets du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'Allah le Très-Haut, Allah s'attribue à lui-même la guidance vers son droit chemin. Et que toute l'affaire est entre ses mains. Il guide qui il veut, subhanahu wa ta'ala, et il égare qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Il détient le cœur de tous les serviteurs. Il met sur le droit chemin qui il veut, et il égare qui il veut, subhanahu wa ta'ala. La traduction du sens de la parole d'Allah dit, s'ils avaient fait ce à quoi on les exhortait, cela aurait été certainement meilleur pour eux, et leur foi aurait été plus affermie. Et le cheikh, il dit, alors nous l'aurions donné, enfin la traduction du verset, alors nous leur aurions donné certainement de notre part une grande récompense et nous les aurions guidés certes vers un droit chemin. C'est qui les aurait guidés vers un droit chemin? Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous les aurions guidés vers un droit chemin. Sourate Nisa, versets 66 à 68. Et Cheikh, il dit, فالهدايه الى الى الصراط بيد الله عز وجل. وقال الله تعالى: فاما الذين امنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمه منه وفضل ويهديهم اليه صراطا مستقيما. سوره النساء. وقال الله تعالى: والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم. سوره يونس. وقال الله تعالى: والذين كذبوا باياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. سورة الأنعام. وقال الله تعالى, regardez toutes les versets du Coran qui nous indiquent cela. وقال الله تعالى: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وقال الله تعالى, encore un autre verset, celui d'avant c'était سورة النور, إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم. regardez encore l'استقامة ici, أن يستقيم, وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. سورة التكوير. الشيخ يقول donc, c'est donc Allah qui détient la guidance vers le droit chemin, subhanahu wa ta'ala. La traduction du sens de la parole d'Allah dit: alors ceux qui croient en Allah et qui s'attachent à lui, il le fera entrer dans une miséricorde venue de lui et dans une grâce aussi. Et il les guidera vers lui dans un droit chemin. Surat Nisa, verset 175. Encore un autre verset dont la traduction du sens est: Allah appelle à la demeure de la paix et il guide qui il veut vers un droit chemin. Surat Yunus, verset 25. Encore un autre verset dans la traduction du sens est: et ceux qui traitent de mensonges nos versets sont sourds et muets dans les ténèbres. Allah égare qui il veut et il place qui il veut sur un chemin droit. Sourate l'An'am, verset 39. La traduction du sens de la parole d'Allah dit: et Allah guide qui il veut vers un droit chemin. Sourate An-Nur, verset 46. Encore une fois, c'est tous des versets qui indiquent quoi? Que la guidance est entre la main d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui détient la guidance et il guide qui il veut subhanahu wa ta'ala. La traduction du sens de la parole d'Allah dit: ceci n'est qu'un rappel pour l'univers, pour celui d'entre vous qui veut suivre le droit chemin, ou le chemin droit. Vous avez entendu cette phrase ici? Pour celui d'entre vous qui veut suivre le chemin droit. Mais vous ne pouvez vouloir que si Allah veut, lui le Seigneur de l'univers. Surat al-Takwir, versets 27 à 29. Cher continue, il dit: وَالْآيَاتُ فِي هَذَا الْمَعْنَى كَثِيرَةٌ فَالْهِدَايَةُ بِيَدِ اللَّهِ عز وجل يمن بها سبحانه وتعالى على من يشاء من عباده. Les versets dans ce sens sont nombreux. Allah détient donc la guidance et en fait don à qui il veut parmi ses serviteurs. Il en fait don à qui il veut subhanahu wa ta'ala parmi ses serviteurs. ولهذا, et c'est ça qu'on essaie d'amener ici aussi, ولهذا كان من اول قواعد الاستقامه واسسها التوجه الصادق إلى الله عز وجل في طلبها لأنها بيده وهو سبحانه وتعالى الهادي إلى صراطه المستقيم. وقد كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وهذا هو الثبات على الاستقامة. ثبات on a parlé tout à l'heure. Le Cheikh dit, c'est pour cette raison que figure parmi les premières règles de l'estiqama et ses bases. Mais comme on a dit quoi, que c'est un don divin, hein? Un don du Seigneur et un bienfait divin. Donc qu'est-ce que toi tu dois faire? Bah, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cette raison que figure parmi les premières règles d'al-istiqama et ses bases l'orientation véridique, at-tawajjuh as-sadiq, que tu sois véridique dans ta demande vers Allah dans la quête d'al-istiqama. Car elle est détenue par Allah et il est celui qui guide vers son droit chemin. L'invocation que faisait le plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que nous doit dire alors? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est: oh toi qui tournes les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. Et c'est cela, comme il a dit le cheikh ici, être ferme sur al-istiqama. Salama, قالت Salama radiallahu anha wa ardaha, قلتu ya Rasulallah, أو إن القلوب لا تتقلب؟ قال نعم. ما من خلق الله من بني آدم من بشر إلا أن قلبه بين أصبعين من أصابع الله فإن شاء الله أقامه وإن شاء أزاغه. والحديث أخرجه أحمد والترمذي وحسنه. وانظر السلسلة حديث صحيح لشيخ الألباني رحمة الله عليه. سلمة رضي الله عنها كيف قال دي؟ قال دي جدي أم مساجد الله. Les cœurs se retournent-ils؟ سلمة vous la connaissez maintenant. Quand on en a parlé, hein? Le premier dars, c'est quoi? C'est... La vocation qui était quoi? Vous la connaissez maintenant? Je vois des visages qui, hein, qui sont. Hein? Allahumma inna as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. C'est qui avait rapporté cette doua du prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est Salama. Salama, radiallahu anha, l'a dit, j'ai dit au messager d'Allah, les cœurs se retournent-ils? Il répondit, oui, il n'y a de créature d'Allah parmi les êtres humains, les fils d'Adam, sans que son cœur soit entre deux doigts parmi les doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si Allah veut, il fait qu'il est droit, et s'il veut, il le fait dévier. Et c'est rapporté par Ahmed, numéro 26576 dans Al-Musnad, et terminé dans son jami', numéro 3522, qu'il a jugé bon, Hassan. Et si vous voulez une référence dans Silsilat al-Hadith al-Sahiha de Cheikh Al-Albani, c'est le numéro 2091. Cheikh, il dit donc, فَالِسْتِقَامَةُ بِيَدِ اللَّهِ فَمَنْ أَرَادَهَا لِنَفْسِهِ فَلْيَطْلُبْهَا مِنَ اللَّهِ وَلْيُلِحَّ فِي السُّؤَالِ وقد جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها سئلت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته من الليل أين نحن من صلاة الليل؟ قالت إذا قام من الليل افتتح عليه الصلاة والسلام صلاته بماذا؟ اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلفت فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الله سبحانه وتعالى il détient donc l'istiqama. Celui qui la veut pour lui-même se doit de la demander à Allah et d'insister dans la demande. Il a été rapporté dans l'authentique de Muslim sous le numéro 770 d'après Aïcha Kalalagri radiallahu anha qu'elle fut questionnée sur ce avec quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam débutait ou ouvrait, si vous voulez, sa prière nocturne. Maintenant déjà, rien que t'entends ça, c'est déjà une nasiha pour nous. Hein, vous comprenez, hein? Pourquoi? Où est-ce que nous on est par rapport à Qiyam al-Layl? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à qui a été promis le paradis? Et il se lève la nuit pour adorer son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Où est-ce qu'on est nous par rapport à ça? Une raka, ne fais qu'une raka. 3, 5, ce que tu peux, akhi fillah. Hein? Ça, oh là là. Surtout le dernier tiers de la nuit. Pourquoi le dernier tiers de la nuit? Hein? Pourquoi? Il nous dit le sama et dunya et des anciens terrestres, il dit, hein? Qu'est-ce que, hein? Halou mustaghfirin fa aghfir lahu, ham sa'ilin fa u'tiya. Y a-t-il quelqu'un qui me demande pardon que je lui pardonne? Y a-t-il quelqu'un qui me demande que je lui donne? C'est ce qu'on appelle, on en a parlé des moments où les du'as sont acceptés. De manière plus spécifique, ça on en a parlé, hein? On avait cité le dernier tir de la nuit, hein? D'accord ou pas? Maintenant Cheikh Al-Fawzan il dit quoi? Il dit c'est des mawasim adim, c'est des rendez-vous et des moments importants adim, hein? Et nous on ne doit pas rester comme des cadavres comme ça, hein? sans réaction, hein? Jusque pour le alhamdulillah, celui qui se lève pour salat al-fajr alhamdulillah, il a fait le farida diallo, hein? Il faut prendre ça comme une nasiha. Hein, il faut essayer. C'est petit à petit, doucement. C'est pas il fait 11 rak'at pendant 3 jours puis il fait plus rien pendant 3 ans. Ça, c'est pas bien ça. Hein? Non, tu fais petit à petit, tu fais une rak'at. Alhamdulillah, c'est qiyam l'il ça. Hein? Une rak'at, c'est beaucoup une. Une, c'est beaucoup. Tu fais une rak'at, une. C'est pas difficile. Sla ajil tawfiq lil jami'. Écoutez, par quoi il ouvrait sa prière nocturne, alayhi salatu wassalam? Elle répondit lorsqu'il priait Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Hein, il est rapporté d'ailleurs qu'il pleurait dans ses doigts, alayhi wa sallam. Pour qui? Non, pour, bien sûr, il pleurait pour Allah, mais par rapport à lui demander pour qui? Pour sa communauté, pour nous, ya ikhwa. Alayhi salatu wassalam. Lorsqu'il priait la nuit, il commençait sa prière, alayhi salatu wassalam, en disant ô Seigneur de Gabriel et de Michael et d'Israfil, créateur des cieux et de la terre, connaisseur de l'invisible et du visible, tu juges entre tes serviteurs au sujet de ce sur quoi ils étaient en divergence. Guide-moi. Il y a le shahid ici, le témoin argumentatif. Quoi? Guide-moi. Dini, tu demandes la guidance. C'est pour ça que le shir a rapporté ce hadith ici. Et c'est ce dua. Guide-moi dans ce au sujet de quoi il y a eu divergence en matière de vérité avec ta permission, car tu guides qui tu veux vers un droit chemin. Et Cheikh il dit, فَهَذَا كَانَ عَلِيْهِ صَلَاتُ وَسَلَامِ يَقُولُهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي افْتِتَاحِهِ لِصَلَاتِ اللَّيْلِ innaka tahdi man tasha ila siratin mustaqim. C'est donc ce qu'il disait sallallahu alayhi wa sallam chaque nuit lorsqu'il débutait sa prière nocturne. Il y en a, ils n'ont même pas de prière diurne, aslan. Vous savez c'est quoi diurne en français? La prière du jour. Ils ont délaissé la salah complètement. Hein? On va parler déjà qui prient leur journée, après on verra la nuit. Hein? Faut as-salah, c'est très important. Il faut lire les hadiths sur l'importance de salah. C'est quoi le pilier le plus important de l'islam? Salah, vous êtes sûr? Ah, voilà, les deux shahada, d'accord? Hein? Et après, c'est quoi directement? Salah, directement. Et c'est quoi la première chose sur laquelle on va devoir rendre des comptes? Parmi les obligations et droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein? Il disait donc, alayhi salatu wassalam, chaque nuit lorsqu'il débutait sa prière nocturne, tu guides qui tu veux vers un droit chemin. ولما كان هذا المطلب أي سؤال الله تبارك وتعالى الهداية أعظم المطالب وأجلها أوجب الله سبحانه وتعالى على عباده أن يسألوه الهداية إلى صراطه المستقيم مرات متكررة في اليوم والليلة وذلك في سورة الفاتحة في ماذا؟ Qu'est-ce qu'on dit dans سورة الفاتحة؟ نعم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال بعض أهل العلم ينبغي أن ينبه العوام إلى أن هذا دعاء فعندما تقول اهدنا الصراط المستقيم أنت تدعو الله بهذه الدعوة التي أوجبها الله عليك 17 مرة في اليوم والليلة بعدد ركعات الصلاة المكتوبة. Et parce que cette demande, c'est-à-dire demander la guidance à Allah, et la plus importante des demandes, Allah a rendu obligatoire à ses serviteurs de lui demander la guidance vers son droit chemin. Regardez rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu fais une action, est-ce que ça va bénéficier à Allah? Là. Alors, attention de croire le contraire. Ça ne va pas bénéficier à Allah. Hein? Il y a que tu crois que tout ce que tu fais, ça va bénéficier à Allah. Hein? Et si tu fais un péché ou que tu désobéis à Allah, est-ce que ça va lui nuire? Ça ne nuira en rien. Vous connaissez le hadith qudsi que j'ai cité tout à l'heure? Mais c'est ça la fin du. Hein? Dans le hadith qu'on a dit dans l'Arba' al-Nawawiyya qui est rapporté. Hein? C'est quoi le hadith qudsi que j'ai cité tout à l'heure? Ya ibadi inni harramtu dhulma ala nafsi jusqu'à la fin. Il a rapporté que Al-Khawlani, parmi les aïmats salaf, rahimahullah, quand il citait ce hadith, il tombait sur ses genoux. Regardez le salaf, comment ils étaient. Hein? L'importance du hadith, comment il. Hadith azim! C'est rapporté dans le Sahih al-Muslim, dans l'authentique de Muslim. Il tombait sur ses genoux quand il rapportait ce hadith. Nous, on peut lire ce hadith, ça m'a dit, pas de problème. C'est ça la différence entre nous et eux. Cheikh, il dit, et parce que cette demande, donc regardez, Allah, par miséricorde envers toi, il t'oblige, il t'a rendu obligatoire, quoi, de demander la guidance. Et parce que cette demande, c'est-à-dire demander la guidance à Allah, est la plus importante des demandes, Allah rendu obligatoire à ses serviteurs de lui demander la guidance vers son droit chemin, et ce plusieurs fois par jour. Et ce dans la sourate al-Fatiha. La traduction du sens de la parole d'Allah dit « Guide-nous dans le droit chemin ». Hdina sirat al-mustaqim. Quel chemin? Le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont couru ta colère ni des égarés. Sourate al-Fatiha verset 6 et 7. Alors moi je vous pose la question, c'est pas dans le cours ici, mais je vous pose la question. Allah il nous a ordonné de dire Ihdina sirat al-mustaqim. D'accord? Sirat al-ladina an'amta alayhim. Ce que tu as comblé de faveur, c'est qui? C'est pas dans le surat al-Fatiha ça. Allah il a juste dit ce que tu as comblé de faveur. Hein? C'est quoi ta preuve? Quelle aïe? C'est quoi l'aïe? Ou l'aïka ma'al ladina an'ama allahu alayhi minan nabiyyin. Siddiqin wa shuhada wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ou l'aïka ladina an'ama allahu alayhi. Voilà, ils sont cités dans ce verset-là. Minan nabiyyin. Hein, ou الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. C'est qui les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quelle bonne compagnie que la compagnie de ceux-là. Cher, il dit un point important aussi. Il dit, certains parmi les gens de science ont dit, il convient que l'on attire l'attention du commun des musulmans sur le fait que ceci est une invocation. Parce que beaucoup de gens disent Fatiha, ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Tu dois attirer l'attention des gens autour de toi, dans ta famille, dans tes proches, à la mosquée, etc., sur le fait que il faut bien faire attention que ce que tu dis, c'est une dua que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Que tu ne la dises pas de manière mécanique, comme ça, sans comprendre le sens. Lorsque tu dis le verset dans la traduction du sens, hey, guide-nous dans le droit chemin, tu invoques Allah par cette invocation qu'Allah t'a rendu obligatoire 17 fois par jour, et ce en raison du nombre d'unités de prière, des prières prescrites obligatoires. C'est quoi Al-Fazal Yadurka? Ça fait deux fois. Plus le Dohor, 4 fois. 2 plus 4, ça fait 6. Hein? La Asr, combien? 4. Ça fait combien maintenant? 10. Le Mourub, combien? 3. Ça fait combien? 13. Et l'Isha? 4. Ça fait combien? 17. Fatiha? Si tu ne lis pas le Fatiha, ta prière, elle est? C'est un rukn, c'est un pilier. Hmm? Il y a peut-être une question que les frères se posent. Ils se disent, mais quand l'imam il est à voix haute, qu'est-ce que nous on fait? Il y a une divergence entre les ulama, c'est vrai. Lakin la nasiha de Cheikh Mohamed Amel Jaimi, rahmatullah alayhi, parmi les grands savants de Médine, rahmatullah alayhi, il a dit, c'est une mis'ala qui t'attaqa bi sihat salah. C'est une mis'ala, et c'est ce que nous a appris Cheikh Falah Ismail, qu'on a fait Amdat al-Fiqh avec lui, il a dit, lisez-la. Quand tu la lis alors à ce moment-là? Eh bien, le Fatiha, l'imam il la lit, toi tu écoutes, d'accord? Mais après, quand elle a fini, quand lui il rentre dans l'autre surat, tu sais, qu'est-ce que tu fais? Tu lis toi le Fatiha. Tu lis le Fatiha. D'accord? Lisez-la, ikhwa. Si tu es un talib al-mutamakkin et que tu sais voir l'adila, etc., à ce moment-là, toi, tu fais hein, ton tarjih. Walakin, attention. Il faut lire. Hein, et dans Masail Khilaf, qu'est-ce qu'on prend? Hein? Bien sûr, walakin, ce n'était pas comme devoir rajih. De toute façon, Daïman, quoi, comme il a dit? L'aslam. Ça, ou là? Tu prends ce qui est le plus sûr. Que, toi, tu es entre. Hein? Là, au moins, si tu lis, tu es sûr que ta hein, salam, incha'Allah, anielé. Tu comprends? C'est ce que nous a dit notre Cheikh Falah Ismail. Yani, lis-la. Cheikh Mohamed Aman al-Jamil a dit yani, que les gens, ils la lisent. Il a conseillé, il a dit les adillas sont très forts sur le fait de la lire, etc. Et quand c'est mis à la khilafia, qu'ils la lisent. Quand il la lit, on a dit encore une fois quand? Parce que le fait d'écouter l'imam, c'est obligatoire. Donc lui, il lit le rukn, toi, tu l'écoutes. Et après, dans la deuxième, tu. Non. Cheikh il dit ولهذا ينبغي على المسلم ان يستشعر ان هذا دعاء وقد قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تاملت انفع الدعاء فاذا هو سؤال العون على مرضاته ثم رايته في الفاتحه في اياك نعبد واياك نستعين وقال امر العبد بدوام دعاء الله سبحانه وتعالى بالهدايه الى الاستقامه فانت مطلوب منك ان تداوم على هذا الدعاء دعاء الله الهدايه للاستقامه وهو موجود في سوره الفاتحه. Je sais que peut-être des frères vont dire ouais, mais Cheikh Al-Albani, il a dit tu la lis pas. Hein? On sait, on connaît. Moi-même, je la lisais pas, sarahatan. Et quand j'ai discuté avec Cheikh Falah, il m'a fait le conseil. Alhamdulillah, on a dit le Cheikh, il connaît mieux que moi, moi je la lis maintenant, alhamdulillah. Hein? D'accord? Maintenant, si toi tu es convaincu absolument que tu es un talib ilm, que tu connais l'adilla, que tu sais, alhamdulillah, ça revient à toi. Alors que nous, ce qu'on dit à la masse des gens, c'est qu'ils la lisent la Fatiha. Il incombe donc aux musulmans de sortir que c'est une invocation. Et Cheikh l'Islam, il convient, Cheikh dit, donc aux musulmans de sentir que c'est une invocation. Il dit, Cheikh l'Islam, Moutim Yakar Alifas Miséricorde, il a dit, j'ai médité au sujet de l'invocation la plus bénéfique. Regardez les ulama comment ils sont. Lui, il médite, il pense à quoi? C'est quoi l'invocation la plus bénéfique? J'ai trouvé que c'est demander à Allah l'aide afin d'obtenir sa satisfaction. Puis je l'ai trouvé dans la sourate Al-Fatiha, dans le verset dont la traduction du sens est « C'est toi seul que nous adorons et c'est toi seul dont nous implorons le secours. » Sourate Al-Fatiha, verset 5. Je vous donne la référence de la parole de Cheikh l'Islam Outaymi, rahimahullah, voir Madarij al-Salikin d'Ibn al-Qayyim, volume 1, page 78. Pourquoi? Parce qu'Ibn al-Qayyim, c'est l'élève de qui? Cheikh l'Islam Outaymi. Et il dit « Et il a été ordonné aux serviteurs d'être constants dans la demande à Allah de la guidance vers l'istiqama. Voir Iqtida Sirat al-Mustaqim, volume 1, page 83. Cher, il dit, « Fa'anta matloubun minka antudawima ala de du'a, du'a Allah l'hidayah l'istiqama, ou homo joudun fi surat al-Fatiha. » Il t'est donc demandé d'être constant dans le fait de faire cette invocation où tu demandes la guidance vers l'istiqama qui se trouve dans la surat al-Fatiha. Je vous rapporte une parole de Hassan al-Basri, rahimahullah, ce grand imam parmi les imams de l'islam. Hassan al-Basri, rahimahullah, il a dit, « Ida qara'a qawla Allahi ta'ala, inna alladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, qala, Allahumma anta rabbana farzuqna l'istiqama. » Rawahu al-Tabari fi tafsir, ou fi tafsirihi. Hassan al-Basri, qu'Allah lui fasse miséricorde, lorsqu'il lisait le verset dont la traduction du sens est « Ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin », il disait, rahimahullah, « Oh Allah, tu es notre Seigneur, accorde-nous donc l'istiqama. » Et c'est rapporté par Tabari. Vous connaissez Tafsir Tabari? Parmi les livres de Tafsir qui sont réputés et recommandés, hein? Il y en a d'autres, lesquels par exemple Tafsir Ibn Kathir, Tafsir Tabari, Tafsir Sa'di qui est contemporain, Al-Baghawi, etc. D'accord? Parmi les Tafsir des gens de la Sunna qui se basent sur l'Athar. Volume 21, page 465. Maintenant, qui sait me dire c'est quoi la première règle qu'on a vue? C'est bien, mais tu découles déjà sur un point qu'on a... Mais au début, c'est quoi? J'avais donné un titre. Tiens, peut-être que quelqu'un, il lève la main et qu'il se pense. Vas-y. Donc, l'istiqama, c'est un bienfait divin et un don du Seigneur. Et donc, c'est ce qu'il a dit le frère, ça découle de ça que quoi, tu demandes. Et ouais. Ah, au minhatun, rabbaniya, hein? Au minhatun ilahi, ahsant, hein? En arabe, c'est ce qu'il a dit le frère ici, ce que vous avez dit en français. Donc, qu'est-ce qu'on a dit par rapport à ça? Il n'y a rien, on a rien, khalas, on a dit que ça. Il est obligatoire de la demander. Avant ça, hein, avant ça. En fait, il détient la droiture. Il la donne à qui il veut. Et donc, subhanahu wa ta'ala, il guide qui il veut, il égare qui il veut. Donc, c'est pour ça que tu demandes à Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il te guide. Et qui on prend comme exemple là-dessus? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui me donnait un dalil? Qu'est-ce qu'il faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il y a beaucoup de gens qui participent. Peut-être qu'un est pas toujours les mêmes. Vas-y, tfadal. Ouais, vas-y. Hein? Ah, voilà. Ya muqallib al-qulub, sabbit qalbi ala dinik. Oh, toi qui... Hein? Jusqu'à la fin du... C'est le fait que tu demandes que Allah azza wa jal, il affirme ton cœur. Ala dinik, sur la religion. Non. Une autre preuve du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, c'est quoi l'invocation? Au moins le début. Allahumma rabb Jibra'il wa Mika'il wa Israfil. Hein? Il a akhir du'a. Wa 'alim al-ghayb wa ash-shahada, etc. Ihdini lima ikhtalaftu fi min al-haq fa innaka ila siratil mustaqim. D'accord. Deuxième règle. Al-qa'idatu ath-thaniya. حقيقة الاستقامة لزوم المنهج القويم والصراط المستقيم. La deuxième règle c'est quoi? لزوم المنهج القويم والصراط المستقيم. La réalité de l'istiqama est l'attachement à la voie droite et au droit chemin. ونسترشد في معرفة حقيقة الاستقامة بالوقوف على نقول المباركة عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان في بيان معناها وتوضيح حقيقتها. Deuxième règle. Nous allons suivre la bonne voie dans la connaissance de la réalité de l'istiqama, en nous arrêtant sur certaines paroles bénies rapportées des compagnons et de ceux qui les ont suivis de manière exemplaire, les tabi'oun, au sujet de la mise en évidence de son sens. Maintenant, la parole, l'introduction. C'est quoi l'istiqama? C'est qu'on vient de savoir. Hein? C'est quoi l'istiqama? On sait que c'est important, qu'on doit demander l'istiqama. C'est là-dessus que c'est le succès dans cette vie, de ce bas monde et dans l'au-delà. Et que c'est Allah qui la donne à qui il veut. Donc on demande à Allah, hein, jusqu'à ce qu'on arrive maintenant à quoi? Mais il convient de définir c'est quoi l'istiqama. Et pour ça, eh bien on revient aux paroles des anciens, aux paroles des sahabes et des tabi'un. Il dit qu'ils les ont suivis de manière exemplaire au sujet de la mise en évidence de son sens et de la clarification de sa réalité. C'est quoi la réalité de l'istiqama? C'est quoi son sens? Est-ce que tu ne sais pas c'est quoi l'istiqama? Comment tu veux être sur l'istiqama? On commence par Abu Bakr al-Siddiq. Qu'est-ce qu'il a dit sur l'istiqama? قال صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا هم الذين لم يشركوا بالله شيئا. Le très véridique de cette communauté, Abu Bakr, qu'Allah l'agré, a dit en guise d'explication du verset, on dit Allah, radiallahu anhu, que les chiites, ça leur plaise ou pas. En guise d'explication du verset, dont la traduction du sens est, ceux qui disent, notre Seigneur est Allah, et qui se tiennent dans le droit chemin. Il a dit quoi? Il a dit, c'est lesquels qui sont sur l'istiqama? Qu'est-ce qu'il a dit, Abu Bakr? Vous connaissez le niveau d'Abu Bakr? C'est qui après le prophète dans la communauté? Directement après le prophète Hassan, Abu Bakr, premier calife, As-Siddiq, radiallahu anhu, arda. Il a dit, ceux qui disent, notre Seigneur est Allah, c'est ceux, ou qui se tiennent dans le droit chemin, il a dit, ils sont ceux qui n'ont rien associé à Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est rapporté par Tabari dans son exégèse du Coran, volume 21, page 464, aux éditions Mu'assasat al-Risala. Ils sont ceux qui n'ont rien associé à Allah. Qui n'ont rien associé à Allah. Hein? Parce que si on dit comme ça, il faut clarifier les compagnons. Généralement, à un moment, ils n'étaient pas tous compagnons. C'était un passé. Hein? Oui, mais il comprend sa parole. Regarde ce qu'il a dit en arabe ici. Hum alladhina lam yushriku billahi shi'a. Eh oui, non. At-tawba tajoubou ma qabla. Il était rapporté de Omar, rouya an Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, annahu qara'a hadhihi al-aya, an al-al-minbar, inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu, faqal, lam yarughu rawaghan al-tha'lab. Ya Omar al-Farouq. Qu'est-ce qu'il a dit Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, arda? Quand il a lu ce verset dont la traduction du sens est, ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin. Et n'oublie pas le début du verset, ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah. Et qui se tient dans le droit chemin, il a dit, ils sont ceux, ils n'agissent pas avec ruse comme fait le renard. Donc il a dit ça sur quoi? Sur le minbar. Il a dit, je répète en arabe, « وروي عن عمر بن الخطاب أنه قرأ هذه الآية على المنبر إن الذين قالوا ربنا ثم استقاموا فقال لم يروغوا روغان الثعلب. » Donc Omar ibn Khattab, il a lu ce verset sur Minbar. Et puis il a dit quoi? Ils n'agissent pas avec ruse comme le fait le renard. Ils sont sur l'istiqama, sur la droiture. Et c'est rapporté aussi par Tabari dans son exégèse, volume 21, page 465. Ibn Abbas radiallahu anhuma, annahu qal, fi ma'na qawlihi ta'ala, thumma istaqamu ala shahadati an la ilaha illallah. وروي نحوه عن أنس ومجاهد والأسود بن هلال وزيد بن أسلم والسدي وعكرمة وغيرهم. Et d'après Ibn Abbas, qu'Allah les agrée tous deux, sur le sens de la parole d'Allah, dont la traduction du sens est, et qui se tient dans le droit chemin, c'est-à-dire sur l'attestation que nul n'a le droit d'être adoré à part Allah. Le même sens a été rapporté de Anas, de Mujahid, de l'Aswad ibn Hilal, de Zayd ibn Aslam, As-Suddi, Ikrima et d'autres encore. Encore une fois, regardez Tabari dans son tafsir, volume 21, pages 464 et 465. Une autre parole d'Ibn Abbas, on est toujours dans les Sahaba ici. On a parlé d'Abu Bakr, Omar, Ibn Abbas, il a dit une parole, on a rapporté une autre, mais on dit Ibn Abbas, radiallahu anil jami' et rouya an Ibn Abbas, radiallahu anhuma, anhu qal, istaqamu ala adai faraidihi. Qu'est-ce qu'il a dit Ibn Abbas, radiallahu anhuma, comment il les a définis? Il a dit, et qui sont droits dans le fait de s'acquitter de ses obligations. C'est-à-dire ce que Allah Azza wa Jalla a rendu obligatoire. Rapporté par Tabari dans son exégèse, volume 21, page 465. Une autre parole. Wa an Abi al-Aliya qal, thumma akhlasu lahu ad-din wal-amal. Qu'est-ce qu'il a dit, Abu al-Aliya? Il a dit, et qui lui voue une action et une pratique de la religion exclusive. C'est-à-dire sincère pour Allah Azza wa Jalla. Wa an Qatadata fi qawli ta'ala, thumma istaqamu, qala, istaqamu ala ta'atillah. Qatada, je vous donne la référence peut-être de la porte de l'Abu al-Aliya pour les frères qui veulent la référence. Al-Mawurdi l'a rapporté dans An-Nukat wal-Uyun, volume 5, page 275. Qatada, il a dit au sujet du verset dont la traduction du sens est, encore une fois, ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin, il dit qu'ils sont droits sur quoi? L'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est rapporté par Abdelrazzaq dans Al-Musannaf numéro 2618. Puis toutes ces paroles, elles ont été citées par qui? Un grand savant de la communauté qui s'appelle Ibn Rajab. Vous connaissez Ibn Rajab? Ibn Rajab al-Hanbali, rahmatullah alayh. Parmi les nombreux ouvrages qu'il a fait, il a pris les 42 hadiths de l'imam Nawawi, on en a rajouté 8, pour finir combien? 50, du même type que les 42 hadiths de l'imam Nawawi, il les a expliqués lui-même, ces 50-là, et ce livre-là, c'est un livre très connu, qui s'appelle Jami' al-Ulum wal-Hikam. ذكر هذه الأقوال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم justement. ثم عرف الاستقامة بقوله والاستقامة هي سلوك الصراط المستقيم وهو الدين القيم من غير تعريج عنه يمنة ولا يسرة ويشمل ذلك فعل الطاعات كلها الظاهرة والباطنة وترك المنهيات كلها كذلك فصارت هذه الوصية جامعة لخصال الدين كلها انتهى كلامه رحمه الله. Donc Ibn Rajab, il a rapporté toutes ces paroles. De qui on a dit? Au moins, vous citiez au moins les noms. Abu Bakr, Omar, qui encore? Ibn Abbas, plusieurs d'Ibn Abbas. Qui encore d'autres? Abu Al-Aliya, qui d'autres encore? Qatada. Il a regroupé toutes ces paroles et puis il a dit... Dans Jami' al-Ulum al-Hikam, page 383-384, il a défini lui-même l'istiqama en disant « L'istiqama, c'est suivre le droit chemin, qui est la religion droite, sans tourner ni vers la droite, ni vers la gauche. » Et ceci comprend la mise en pratique de tous les actes d'obéissance, qu'ils soient apparents ou cachés. Il y a des actes qui sont intérieurs, et il y a des actes qui sont apparents, qui sont extérieurs, si vous voulez. Apparents ou cachés, et le délaissement de tous les interdits. Donc tous les actes d'obéissance, la mise en application et la mise en pratique, qu'ils soient apparents ou cachés, et le délaissement de tous les interdits. Cette recommandation, elle est générique, elle englobe donc tous les aspects de la religion. Regardez la définition qu'il a donnée. Cheikh, il conclut tout cette deuxième règle en disant « وهذه المعاني كلها متقاربة ويفسر بعضها بعضا لأن الاستقامة من الكلمات الجامعة التي تشمل الدين كله » Et peut-être des frères, peut-être pas l'habitude de travailler avec les paroles des savants, tu diras, mais je suis confus, maintenant c'est quoi l'istiqama à la fin du compte hein? Mais le cheikh, il dit, l'istiqama, tous ces sens qu'on a cités sont proches les uns des autres. Et s'expliquent les uns les autres. Car l'istiqama fait partie des termes génériques qui englobent toute la religion. Ibn Qayyim, quand Allah lui fasse miséricorde, il a dit, est-ce que vous trouvez, je vous pose la question, on a dit, c'est ceux qui n'associent rien à Allah, d'accord? On a dit, c'est ceux qui sont sur l'obéissance d'Allah, qui s'acquittent de l'obéissance d'Allah. On a dit que quoi encore que ce sont ceux qui s'acquittent de leur obligation, hein? D'accord, de ce qu'Allah a leur obligation. Est-ce qu'il y a des contradictions là-dedans? Donc vous comprenez un peu maintenant? Cheikh, il dit, tous ces sens sont proches et que s'expliquent les uns les autres, car l'istiqama fait partie des termes génériques qui englobent toute la religion. Ibn Qayyim, on va terminer cette deuxième règle là-dessus, Inch'Allah. Ibn Qayyim, rahimahullah, ce grand savant de la communauté, il a dit, قال Ibn Qayyim, rahimahullah, فَالِسْتِقَامَةُ كلمة جامعة آخذة بما جمع الدين وهي القيام بين يدي الله على حقيقة الصدق والوفاء بالعهد. انظر مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله تعالى. يعني comme encore une fois comme on l'a dit dans un des cours, Salafi parlait peu pour dire beaucoup, on parle beaucoup pour dire peu. Regardez comment il a parlé, il a dit al-istiqama, la droiture, c'est un terme générique qui comprend la religion dans son ensemble, et c'est de se tenir debout devant Allah, étant réellement véridique et ayant tenu la promesse. Voir Madarij Salikin, volume 2, page 105. Alors c'est quoi maintenant cette deuxième règle qu'on a vue, aujourd'hui. C'est quoi? Mais c'est quoi? Il a dit, Haqiqat al-Istiqama, c'est quoi? C'est juste ce que tu as dit, c'est le début en fait, c'est juste. Hein? Continue, vas-y, continue. Hein? Je te le dis en arabe peut-être pour t'aider. L'ouzoum al-manhaj al-qawim ou al-sirat al-mustaqim. C'est quoi le fait de s'attacher à la voie droite et au droit chemin, c'est ça. D'accord? Et après, il a dit que pour parler de ça, on va faire quoi? Voilà, les paroles des sahaba et des tabi'in. Qui l'a cité? Boubacar Siddiq. Qu'est-ce qu'il a dit Boubacar Siddiq Madaqal? Il a cité le verset, mais qu'est-ce qu'il a dit? Madaqal an haoula. Kayfa wasafahum? Alladhina lam yushriku bihi shay'a. Ceux qui n'ont rien à t'associer. Qui n'ont rien à t'associer à Allah Azza wa Jalla. Omar ibn Khattab, qu'est-ce qu'il a dit? Ah, c'est qui ne ruse pas comme le renard. Hein? Il est monté sur le minbar, il a lu ce verset, puis il a dit ça. Ibn Abbas, qu'est-ce qu'il a dit? Ceux qui tiennent leur obligation. Naam, qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Alhamdoulilah, ça l'a retenu une ba'dad Ibn Abbas. Hein? Abu al-Aliya, qu'est-ce qu'il a dit? Qui la retient celle-là? Ah, j'ai pas de livre à donner, on les a tous donnés déjà. Qaddar Allah. Hein? C'est pourquoi vous n'êtes pas attentif parce que je n'ai pas donné de livre ou quoi? Si vous avez vu qu'il n'y a pas de livre, vous allez dire khalas, mais allez. Hein? Hein? N'qra. Yallah, zid n'qra, mchou mouchk. Yak, alhamdoulilah, les feuilles sont là, alhamdoulilah. Qu'est-ce qu'il a dit, Abou Al-Aliya? Il a dit. Et qui lui voue une action, une pratique de la religion exclusive. Akhlasu lahu ad-din wal-amal. Comme a dit, rahimahullah ta'ala. Qu'est-ce qu'il a dit, Qatada? Je l'ai déjà dit plusieurs fois en plus, subhanallah, celui-là. Essayez de retenir. Allez, je l'ai dit en arabe. Alladina staqamu ala ta'atillah. Ceux qui sont droits sur l'obéissance d'Allah. Et cela, je l'ai déjà dit. À la Koulihal, on a fini donc cette deuxième règle. Hein? On va continuer, ça fait un peu plus de 50 minutes qu'on fait le cours, on a encore un petit peu de temps. Le qaïdatu salitha. Aslu l'istiqamati istiqamatu l'qalb. Ça, c'est un point aussi très important. Troisième règle, la base de l'istiqama, c'est la droiture du cœur. C'est-à-dire, la base de la droiture, c'est la droiture du cœur. Déjà, directement, il y a un hadith qui doit vous venir en tête. Directement. Je l'ai dans les deux langues. Hein, il l'a dit dans en arabe dans l'oreille droite, l'autre en français dans l'oreille gauche. Il hein? Faut être interprète, mashallah, ici. Moi, je te fais un mot binat. Elle a fait le geste de Moudra. Et dans Salahat, Salahat, le geste de Kullo. Et dans Fasad, Fasad, le geste de Kullo. Elle a fait le geste. C'est bien. On a dit la base à l'istiqama et la droiture du cœur. C'était quoi la première règle au fait? C'est pas pour boire que j'ai dit ça. Hein? À la fois les frères, ça part dans tous les sens. À quelqu'un de différent, parce que c'est toujours les mêmes qui répondent. J'ai répondu aujourd'hui. T'as répondu à ce cours? Ouais. À quelqu'un d'autre, il a répondu. T'as déjà répondu, si vous avez déjà répondu. Toi aussi. T'as pas encore répondu? Non. Non, vas-y, te fadal. C'était la base de... D'accord. Et le titre en lui-même, c'était quoi? C'est que c'est Allah qui... Et c'est un bienfait divin, un don du Seigneur. Et donc ça, comme t'as dit, c'est Allah guide qui veut, donc tu dois lui demander. Ça va. En vraiment, en grande ligne, deuxième. Et on vient de la voir, si vous la connaissez pas. Et ouais, les frères. Omar, règle le titre. Dites-moi juste le titre. Si quelqu'un il retient les 10 règles, juste les titres, alhamdoulilah. Tu ne retiens pas, fais Allah al-Musta'an. Toi, tu es dans le détail de la première. La deuxième règle, c'est quoi? Quelqu'un d'autre, j'ai dit quelqu'un qui n'a pas répondu. Tu n'as pas répondu? Tu as eu un livre tout à l'heure. Hein? Là, vas-y, réponds. Hein? Le fait de s'attacher, la réalité de l'istiqama, c'est s'attacher à la voie droite et au droit chemin. Ça? La troisième, c'est quoi? Ben, j'ai dit le titre. Ben, vous pouvez moi dire le titre. Al-Qalb. La base. Mais c'est quoi le Qalb? La base de la droiture, c'est la droiture du cœur. Rawa l'imam Ahmed min hadithi Anas ibn Malik, radiallahu anhu, ani nabi sallallahu alayhi wa sallam, لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه. حديث واضح ici. L'imam Ahmed, rahimahullah, il a rapporté dans D'après Anas ibn Malik à la grecque, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: la foi d'un serviteur ne sera droite que quand son cœur sera droit. C'est rapporté par Ahmed, comme on l'a dit, dans le Mousnad numéro 13048, et jugé bon Hassan par Cheikh l'Albani dans Silsilat al-Hadith al-Sahiha numéro 2841. Cheikh dit: fa'asul istiqamati istiqamatul qalb. Fa'al-qalb ida salaha istiqama wa istiqama tabi'ahul badan. Et là, on va voir des magnifiques paroles des anciens concernant le qalb. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله فأصل الاستقامة استقامة القلب على التوحيد كما فسر أبو بكر الصديق وغيره قوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا بأنهم لم يلتفتوا إلى غيره. La base donc de la droiture est la droiture du cœur. Si le cœur est bon et droit, le reste du corps le suit. الحافظ ابن رجب il a dit, qu'Allah lui fasse miséricorde, la base de la droiture est la droiture du cœur sur l'unicité. Comme d'ailleurs Abu Bakr Siddiq et d'autres ont expliqué le verset dont la traduction du sens est: ceux qui disent notre Seigneur est Allah et qui se tiennent dans le droit chemin, il l'a expliqué en disant, c'est-à-dire ceux qui ne se tournent vers aucun autre que lui. Subhana. Et Cheikh il dit: fa mata istaqama al-qalbu ala ma'rifati Allah wa ala khashyatihi wa ijlalihi wa mahabatihi wa mahabbatihi wa iradatihi wa rajaihi ودعائه والتوكل عليه والإعراض عما سواه استقامت الجوارح كلها على طاعته فإن القلب هو ملك الأعضاء وهي جنوده فإذا استقام الملك استقامت جنوده ورعاياه. Regardez les paroles des anciens comme elles sont magnifiques. Il a dit: lorsque le cœur est droit sur la connaissance d'Allah et sur sa crainte et sa vénération et sa crainte révérentielle et son amour et le fait de le vouloir et d'espérer en lui, subhanah, et l'invoquer, et placer sa confiance en lui, et sur le fait de se détourner de tout autre que lui, subhanah, alors tous les membres sont droits sur son obéissance, car le cœur est le roi des membres. Et les membres sont ses soldats. Si le roi est droit, ses soldats et ses sujets sont droits. Voir Jamil al-Ulum al-Hikam, c'est de qui? Non, vous connaissez ce livre-là, vous n'avez pas d'excuse. C'est le livre de qui? Oh, j'ai entendu Ibn Qayyim. Allah al-Musta'an. Hein? On a dit quoi? Non, on va dire que le frère est fatigué, ma'alish. Hein? Il est venu à tous les cours, alhamdoulilah. Hein? Ibn Rajab, hein? Al-Hambali, ahsantum. Qui est quoi? Mais c'est quoi le. Ma huwa al-kitab? Sharh mada? 40. Wa tatimat? Al-Khamsin. وفي الصحيحين عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. بس الحديث ألا وهي القلب. Dans les deux authentiques d'après An-Nu'man ibn Bashir, car les agrées tous deux, qu'il a dit: j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire: il y a dans le corps un bout de chair. Regardez, c'est Hajib, regardez, c'est quoi le cœur en fait? C'est un petit bout de chair, hein? Hein? Et c'est le roi des membres. Hajib. Khalqallah subhanahu wa ta'ala. S'il est bon, qu'ici il est bon, tout le corps sera bon. Tout le corps est sur ce petit bout de chair ici. Et s'il est corrompu, alors tout le corps sera corrompu. C'est le cœur. Et c'est rapporté par le Bukhari, numéro 52, et Muslim, numéro 1599. Maintenant, Ibn al-Qayyim, qu'est-ce qu'il a dit? وَيَقُولُ ابن القيم رحمه الله في مقدمة كتابه إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. C'est un livre dont j'ai déjà parlé. وَلَمَّا كَانَ الْقَلْبُ لِهَذِي الْأَعْضَاءِ كَالْمَلِكِ الْمُتَصَرِّفِ فِي الْجُنُودِ الَّذِي تَصْدُرُ كُلُّهَا عَنْ أَمْرِهِ وَيَسْتَعْمِلُهَا فِي مَا شَاءَ فَكُلُّهَا تَحْتَ عُبُودِيَتِهِ وَقَهْرِهِ وَتَكْتَسِبُ مِنْهُ الْاِسْتِقَامَةَ وَالزَّيْغَ وتتبعه فيما يعقده من العزم او يحله. On a parlé de l'azm dans la khutba d'hier, hein? Vous avez entendu sur l'azima, etc. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله الا هو القلب هو مالكها وهي المنفذه لما يامرها به القابله لما ياتيها من هديته ولا يستقيم لها شيء من اعمالها حتى تصدر عن قصده ونيته والمسؤول عنها كلها. ولهذا قال الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بماذا؟ بقلب نسيب بقلب سليم. هيك ان فريغ دي كومون اون لي دي فيرسي دي فوا سبحان الله اون ريزيرف با كومبري كوم سا صح. وكان من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم اني اسالك قلبا سليما. ابن القيم il a dit car les faces miséricorde dans l'introduction de son livre Iratatul Lahfan une masaïd al shaytan volume 1 page 5, c'est les frères arabophones, je leur conseille vivement de lire ce livre, c'est un livre magnifique. Comme le cœur est pour ses membres comme le roi qui dispose de ses troupes, qui procède toutes selon ses ordres et qui les utilise pour ce qu'il veut. Tous sont donc sous son asservissement et son assujettissement et acquièrent de lui la droiture et la déviance et le suivent dans ce au sujet duquel il, c'est-à-dire qui le cœur, se résout ou pas. S'il est, il est résolu de faire quelque chose, eh bien il le suit. Ou pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il y a dans le corps un bout de chair qui, si il est bon, tout le corps sera bon, c'est le cœur. C'est le hadith qu'on a cité, Ibn Qayyim l'utilise aussi comme preuve. Le cœur est donc le roi des membres, qui met en application ses ordres et qui accepte ce qu'il leur offre en cadeau. Ses membres, aucune action ne leur est possible sans qu'elle ne soit issue de son intention et de sa volonté. Et il, c'est-à-dire le cœur, est responsable de tous les membres. C'est pour cela que la traduction du sens de la parole d'Allah dit « Le jour où ni les biens, ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf » Sauf qui ? « Celui qui vient à Allah avec un cœur saint. » Sourate Shu'ara, versets 88 et 89. Et parmi les invocations du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y a « Oh Allah, je te demande un cœur saint. »« Fanas Allah subhanahu wa ta'ala, an yarzuqanas qalban salima » Et c'est rapporté par Ahmed numéro 17114 et An-Nasa'i numéro 1304. Et voir si c'est la hadith sahiha de Cheikh Al-Albani numéro 2328. Alors qui s'est me rapporté cette troisième règle? C'est parce que la rapporte, je ne passe pas à la quatrième. C'est toujours les mêmes qui participent. Hein? Tu as déjà parlé aussi. S'il n'y a personne, khalas, on va prendre dans le stock qu'on a déjà usé. Hein? J'ai déjà parlé aussi, hein? Non, non. On va voir s'il n'y a pas des... Il n'y a pas de haya, les frères, dans l'ilm, comme ça. Il ne faut pas avoir honte. Personne. On va prendre dans le stock qu'on a déjà usé. Non. Si tu me dis ça, moi tu me rencontres dans la rue, tu me dis ça, je te dis, c'est quoi ton dalil? Je dis, moi je prends ma religion avec dalil, c'est quoi ton dalil? Hein? Non, en français, hein, dis. Hein. Est-ce que par exemple tu as versé un hadith pour moi? Ah, c'est ça la preuve. Naam. S'il est corrompu, tout le reste est corrompu. Naam. Ahsant. Voilà, maintenant il a son dalil, il est obligé d'accepter. D'accord? Qu'est-ce qu'on a dit d'autre? Quelqu'un d'autre de préférence? On n'a rien dit d'autre. Quel verset? Ça c'est déjà plus à la fin ça. Hein? Vas-y dis-le, au moins on a quelque chose. Hein? Et c'est le verset, c'est quoi ma hal shahid? Tu me dis un verset, je dis ma wajl istidlal. Ay, anta dakkart ad-dalil, ma wajl istidlal. Yani limad istamalt hada ad-dalil? Moi je sais que tu as raison, mais je te fais juste réfléchir. Limad istamalt hada ad-dalil? Pour montrer que لا بالعربي لا كما تريد الله سبحانه وتعالى pour expliquer la droiture du cœur. ايوا الله سبحانه وتعالى dans le verset il dit que يوم لا ينفع ولا مال ولا بنون الا ما اتى الله بقلب سليم, c'est-à-dire الشاهد là c'est que الاصل يعني في الاستقامه هو القلب. القلب لان الا من يوم لا ينفع مال ولا بنون الا excepté, sauf بقلب سليم. Ce qui prouve qu'il faut, la base dans l'istiqama, c'est quoi? Le cœur. Non, mais c'est ça. Un cœur saint. Maintenant, comment est-ce qu'on peut avoir un cœur sain? Une des manières d'avoir un cœur sain. Tu fais quoi? Tu te demandes. T'as un dalil pour ça? T'as dit oui, t'as un dalil, toi? T'as pas de preuve. Voilà. Dis en français, dis-le comme. C'est qui demandait un cœur sain? Voilà, c'est tout. Tu dis le prophète, ça me demandait. Là, j'ai dit, ouais, donne-moi la référence de la page. Je dis, va chercher mon frère. Hein? Va chercher mon frère. Tlob l'ilm. Moi, je suis le professeur, je me disais, le hadith, il est sahih. Maintenant, si tu veux la référence de la page et le numéro, je ne suis pas un ordinateur. Vas-y, Akhoya. Hein? Quatrième règle. القاعدة الرابعة الاستقامة المطلوبة من العبد هي السداد فإن لم يقدر فالمقاربة. كم ينتهي غزب المغرب؟ أوه ثلاثة مي كم ينتهي غزب؟ كيلو غيلة؟ ما غنهضروش ساعتين وربع. غتكلمونا حتى المغرب ولا؟ حنا سي سون افي لا ماتيغ شكون المغرب الحمد لله راه ماشي علماء حنايا ها دابا شويه نشفوا خصك من غنشفوا من الكلام non mais je voudrais que vous soyez en forme après le Maghreb parce qu'inch'Allah après le Maghreb ça va être pour les émotions ça va être un peu inch'Allah bidnillah donc on voit un peu que les frères ils sont un petit peu hein allez on fait la quatrième mais je pense que la quatrième elle est un peu longue. Allez, on fait ce qu'on peut. Allez, je vous propose un truc. On a fait 1h06. Yak? On fait 10 minutes, comme ça fait 1h15. Et demain, on finit le reste, Inch'Allah. Donc, la quatrième règle, c'est quoi? Al-istiqamatu al-matlubata min al-abd hiya as-sadad fa illam yaqdir fi al-muqaraba. Wa qad jama'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam hadain al-amrayn fi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam inna ad-dina yusrun wa lan yushadda ad-dina ahadun illa ghalabah. فسددوا وقاربوا وأبشروا فالمطلوب في باب الاستقامة السداد والسداد أن تصيب السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه لما طلب منه أن يعلمه دعاء يدعو الله به قال قل اللهم اهدني وسددني قال واذكر بالهدى هدايتك الطريق والسداد سداد السهم. La quatrième règle, c'est la droiture demandée du serviteur. C'est quoi? Ce qu'on appelle en arabe « sadat », c'est-à-dire l'exactitude. C'est-à-dire que si tu as une cible, c'est le mille de la cible, l'exactitude dans la droiture. Et s'il n'en est pas capable, alors qu'il s'en rapproche. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a regroupé ces deux choses dans sa parole. Certes, la religion est une facilité. Et nul n'exagérera dans la religion sans qu'elle ne prenne le dessus sur lui. Vous voyez les gens qui sont là, comme « shiddat, t'en attends, hein, jusqu'un jour, ouf. وين الاخ الله اعلم ها صح ولا لا سنه juste milieu c'est tout on t'a pas demandé de croire le juste milieu c'est ce qui est décrété par Dell il sait pas ce que toi tu trouves c'est le juste milieu hein c'est certes la religion est une facilité et nul n'exagérera dans la religion sans qu'elle ne prenne le dessus sur lui et cherchez donc l'exactitude ou rapprochez-vous-en et réjouissez-vous. Et c'est rapporté par le Bukhari numéro 39 et 6463 d'après Abu Huraira qala l'agri radiallahu anhu arda. Cheikh, il dit, ce qui est donc voulu au sujet de l'istiqam à la droiture, c'est l'exactitude, al-sadad. Et c'est quoi al-sadad, l'exactitude? C'est d'atteindre la sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali radiallahu anhu arda, lorsque celui-ci lui demanda de lui apprendre une invocation par laquelle il pourrait invoquer Allah, dis au oh Allah, guide-moi. Encore une fois, une demande de quoi? De guidance. Ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure. Vous avez une preuve en plus maintenant. Hdini ou saddidni. Guide-moi et fais-moi atteindre l'exactitude. Car sans l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu ne peux pas atteindre l'exactitude ni même t'en rapprocher. Et il dit, sallallahu alayhi wa sallam, pense quant à la guidance, à ta guidance vers la voie. Et quant à l'exactitude de la flèche. Rapporté par Muslim dans son Sahih numéro 2725. Cheikh, il dit donc, فالعبد مطلوب منه أن يجاهد نفسه على أن يصيب السداد وأن يصيب هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونهجه وسلوكه ويجاهد نفسه على ذلك فإن لم يتمكن فعليه بالمقاربة فقد قال الله تعالى فاستقيموا إليه واستغفروه سورة فصلت. وذكر الاستغفار بعد الأمر بالاستقامة في إشارة إلا أن العبد لابد له من تقصير مهما جاهد نفسه على الاستقامة. ولهذا قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى وفي قوله عز وجل فاستقيموا إليه واستغفروه إشارة إلى أنه لابد من تقصير في الاستقامة المأمور بها، فيجبر ذلك بالاستغفار المقتدي للتوبة والرجوع إلى الاستقامة. فهو كقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. Cheikh, il dit, c'est des paroles qui sont magnifiques, subhanallah, il dit, ce qui est donc demandé au serviteur, c'est de s'efforcer d'atteindre l'exactitude et d'atteindre exactement la manière d'agir du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Non, ça marche, les trucs. On continue. Ce qui est donc demandé au serviteur, c'est de s'efforcer d'atteindre l'exactitude et d'atteindre exactement la manière d'agir du prophète sallallahu alayhi wa sallam et sa voix et sa conduite, et qu'il s'efforce d'atteindre cela, et s'il n'y arrive pas, qu'il s'en approche, qu'il s'en rapproche. La traduction du sens de la parole d'Allah dit cherchez le droit chemin vers lui et implorez son pardon. Cherchez le droit chemin vers lui et implorez son pardon. Sourate Fussilat, verset 6. Il y a dans l'incitation à l'istighfar, le fait de demander pardon, dans le verset et implorer son pardon. Après l'ordre d'Al-Istiqama, chercher le droit chemin, une indication du fait que les serviteurs aura des manquements, quels que soient les efforts qu'ils fournissent pour être sur l'Istiqama. C'est-à-dire, quoi que tu fasses, quelque effort que tu fasses, tu auras toujours des manquements, et akhifillah. Qu'est-ce que tu dois faire? Al-Istighfar. Tu demandes pardon. Quels que soient les efforts qu'il fournit pour être sur l'istiqama. C'est pour cette raison que le Hafid ibn Rajab, rahimahullah, il a dit, il y a dans la parole d'Allah, dont la traduction du sens est chercher le droit chemin vers lui et implorer son pardon, une indication qu'il doit nécessairement y avoir des manquements quant à la droiture qui a été ordonnée. Ceci est comblé par la demande de pardon, al-istighfar, qui implique le repentir et le retour à la droiture. Pas beau ça, hein? Et ceci est à l'exemple du prophète, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mu'adh, crains Allah où que tu sois. Et on a traduit ce hadith là avec l'explication de Cheikh Oubel Jabiri Hafidallah complètement, c'est disponible sur notre site aussi en français. Crains Allah où que tu sois et regardez la suite, et fais suivre le péché par une bonne action qui l'effacera. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les gens ne peuvent pas l'istiqamah, le droit de l'istiqamah. Comme خرج الامام احمد بن ماجه من حديث ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال استقيموا ولن تحصوا واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. وفي روايه للامام احمد سددوا وقاربوا ولا يحافظ على الوضوء الا مؤمن. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé que les gens ne sont pas capables d'être complètement sur la droiture, comme l'a rapporté l'imam Ahmad et Ibn Majah d'après le hadith de Thawban qui rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit soyez droit mais vous ne pourrez jamais tout faire, et sachez que la meilleure de vos actions est la prière. Encore une fois, la prière. Et ne préserve ses ablutions qu'un croyant. Hein? Essaye d'être toujours en état d'ablution, akhifillah. Rapporté par Ahmed, numéro 22378, et Ibn Majah, numéro 277, et authentifié par Cheikh Al-Albani dans Irwa Al-Ghalil, numéro 412. Et dans une autre version, pas rapportée par l'imam Ahmed lui-même, atteignez l'exactitude ou rapprochez-vous-en et ne préserve ses ablutions qu'un croyant. Rapporté par Ahmed dans son Mousnad, numéro 22432, et on termine sur ce hadith dans les deux authentiques d'Al-Bukhari et Muslim d'après Abu Huraira, car elle a agréé que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit atteignez l'exactitude ou rapprochez-vous-en. Et c'est rapporté par Al-Bukhari 6463 et Muslim numéro 2816. Et on va s'arrêter là-dessus, Inch'Allah, pour tout de suite. Donc ce cours-là, on termine demain, Inch'Allah, à 11h. du matin. Hein? Et on va voir, Inch'Allah, que en fait, le fait de se rapprocher, ce n'est pas voulu en tant que tel. C'est-à-dire que toi, tu cherches l'exactitude. Ce n'est pas dire, Inch'Allah, je me rapproche, c'est bon. Non. Tu cherches l'exactitude. Et si tu n'y arrives pas, ben, tu vas au moins t'en rapprocher. D'accord? Et donc, on se voit après le Maghrib directement, Inch'Allah, pour le rappel sur Surat Al-Qari'a. Hein? Point à méditer tiré de Surat, le fracas Surat Al-Qari'a, de Cheikh Abdullah Dhimari Al-Yamani. Hafidhahullah. Wa jazakum lahu khairan, wallahu a'lam. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Moi j'ai dit question. Si c'est sur le coup, hein, tiens le coup. Hein? C'est quoi? C'est par la... On a appris que la droiture des membres, elle vient de par la droiture des cœurs. Bien sûr, il y a une interaction entre les deux, bien sûr. Bilashak, il y a une interaction entre les deux. Cheikh Al-Albani, il a rapporté un hadith qui est dans le Moussa de l'Imam Ahmed. Il a dit que les Sahaba ils étaient en voyage avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'ils étaient chacun hein, abrités sous l'ombre d'un arbre, etc., à distance, chacun ce qu'il faisait. Il a dit, Inna tafarraqukum hada min amal al-shaytan. Il a dit, cette dispersion que vous êtes, c'est parmi les actions du shaytan. Et le Sahabi qui a dit ça, si je me souviens bien, c'est Anas ibn Malik, il a dit, après ça, même si on se retrouvait sur un petit tapis, ça nous aurait suffi. Après, ils étaient toujours regroupés. Et Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a dit que ça, c'est une preuve que al-zahir yu'athir ala al-batin. Que l'extérieur, il influence l'intérieur. Et la salah aussi. La tusawwuna sufufakum allu yukhallifanallahu bayna qulubikum. Si vous ne faites pas les droits, les rangs de la prière droits, Allah va faire vos cœurs diverger. Ça, c'est une preuve encore que l'extérieur influence l'intérieur. Bila chaque une interaction, sans aucun doute. Mais encore une fois, je n'autorise pas les questions dans les doros. Et c'est, encore une fois, ne le prenez pas mal. Mais c'est pour me fermer la porte à moi-même.